Chapitre 8. Marie Stuart, reine de France et d'Écosse. 1. Il y a 3 siècles environ que Marie Stuart, détrônée et prisonnière, a été décapitée sur l'ordre d'Élisabeth. Son malheur a fait oublier ses fautes et lui a laissé comme une auréole, en France surtout. Elle était poète, nos poètes l'ont pleurée. Elle appelait la France sa patrie la plus chérie et la France qu'il avait à peine connue l'a aimée. Elle avait d'ailleurs le caractère bien français, quoique née écossaise, et c'est ce qui l'a perdue. Confiante, expansive, légère, malgré son esprit et son excellente instruction, elle devait succomber dans sa lutte inégale contre une reine hypocrite et perfide, telle qu'Élisabeth d'Angleterre. Marie Stuart naquit le 7 décembre 1542 au château de Linlithgow, petite ville située à 7 lieues d'Édimbourg. Elle était fille de Jacques V, roi d'Écosse, et de Marie de Lorraine, duchesse douairière de Longueville. Unique héritière de la couronne, elle fut reine au berceau, le roi Jacques étant mort 7 jours après la naissance de sa fille. À peine était-elle née que la calomnie s'acharna contre elle. Elle avait déjà des ennemis. On prétendait qu'elle était contrefaite et n'était pas viable. Et la reine-mère, un jour, blessée de ses propos, dont elle devinait l'origine, la débarrassa de ses langes, et la montra à l'ambassadeur d'Angleterre. Elle fut couronnée à l'âge de 9 mois, à Stirling, par le cardinal Beaton, et le Parlement nomma le comte d'Arran, régent du royaume et tuteur de la jeune reine. Elle n'avait pas 2 ans, et déjà sa main était demandée par Henri VIII pour le prince de Galles, âgé de 5 ans. Cette demande ayant été froidement accueillie, l'affreux monarque usa de perfidie et d'intimidation. Entouré de ses agents, craignant pour ses jours et ceux de sa fille, la reine-mère se renferma avec Marie au château de Stirling. Mais le roi Barbe-Bleue, comme un ogre de la fable, ne lâcha point sa proie. La reine se réfugia alors dans une île du lac de Menteith. Un monastère, seul édifice de l'île, lui servit d'asile. Marie y demeura jusqu'à l'âge de 6 ans. On lui avait donné pour compagne 4 jeunes filles, qui se nommaient Marie comme elle, et qui ne devaient plus la quitter. Ces 4 maris étaient toute sa cour, le couvent était sa capitale paisible, l'île tout son royaume. Le comte d'Arran s'occupait du reste de l'Écosse. Le comte avait d'abord déployé un grand zèle en faveur de sa pupille. Il avait écarté les agents d'Henri VIII avec un soin jaloux. Mais son zèle avait un but intéressé. Il songeait à fiancer son fils à la jeune reine. Bientôt, il jeta le masque, afficha hautement ses prétentions et parla en roi. Que faire? Où fuir de nouveau? Où trouver un appui? La reine-mère tourna ses yeux vers la France et s'adressa à sa puissante famille de Lorraine. Quelque temps après, le roi de France, Henri II, envoya à Édimbourg le comte de Brézé, avec une flottille et un corps de troupes. Le comte était chargé de déclarer que le roi acceptait la main de Marie Stuart pour son fils. Le Parlement d'Écosse approuva ce projet d'union et, le 13 août 1548, la jeune reine, suivie de ses 4 compagnes de l'île de Menteith, s'embarqua sur les galères françaises mouillées à l'embouchure de la Clyde. Elle était accompagnée en outre d'un gouverneur, de 2 précepteurs et de ses 3 frères naturels. Mauvais frères, s'il en fut. La traversée ne fut pas sans péril. Averti par le comte d'Arran, le roi d'Angleterre fit donner la chasse à la flotte qui emportait la fiancée du dauphin de France. Néanmoins, celle-ci aborda heureusement à Brest, et de là, avec un brillant cortège, fut conduite au château de Saint-Germain-en-Laye. Elle devait être fort gentille, cette malheureuse petite reine. Henri II la combla de caresses et l'aima comme sa fille. Il la mit au couvent, où elle fit des progrès rapides, car elle était aussi intelligente que jolie. Elle apprit tout ce que l'on voulut. À 14 ans, elle était déjà savante. Ainsi, lorsqu'elle sortit du couvent et vint à la cour, au Louvre, elle prononça, en présence de Henri II et de Catherine de Médicis, un discours latin qu'elle avait composé sur ce sujet. La culture des lettres convient aux femmes, elle leur prête un charme de plus. C'était bien dit à la cour de France, alors amie des arts et des lettres. Mais cela devait lui porter malheur plus tard, de l'autre côté du détroit. Quand sa mère vint la voir, en 1550, elle la trouva accomplie. Elle régnait déjà par la grâce et le savoir. Son instruction n'en avait point fait une pédante ou une orgueilleuse, comme Christine. Elle était grave, naturelle, et aimait à la passion la musique et la danse. N'ayant pas encore de décrets à rédiger, elle écrivait des poésies. Cependant, ses ennemis ne l'oubliaient pas. Deux fois, ils attentèrent à sa vie. Un archer de la garde écossaise tenta de l'empoisonner. Un hôte, faute de mieux, assassina le président Minard, son curateur. La cour d'Angleterre ne pouvait supporter sans colère l'union des couronnes d'Écosse et de France. Et lorsque la reine-mère retourna à Édimbourg, en qualité de régente du royaume, Édouard IV, qu'elle vit à son passage à Londres, insista de nouveau pour qu'elle rompît avec Henri II et lui accorda la main de Marie. Mais intrigues, flatteries et menaces restèrent inutiles. Marie resta en France, au milieu de cette cour agréable, mais assez licencieuse, si nous en croyons les chroniques de Brantôme. Catherine de Médicis avait fait d'ailleurs de la galanterie un des instruments de sa politique. L'éducation que la jeune reine compléta à la cour dut singulièrement gâter celle qu'elle avait reçue au couvent. Heureusement pour elle, elle aimait son fiancé, le pâle et débile François. Celui-ci, de son côté, l'adorait. L'année 1558 fut fixée pour leur mariage. Marie Stuart, au pied de l'autel de Notre-Dame, salua son époux du titre de roi d'Écosse. François et Marie furent désignés sous le nom de roi dauphin et reine dauphine. Et Henri II exigea qu'à leur titre, ils ajoutassent ceux de roi et reine d'Angleterre et d'Irlande. Ces titres étaient lourds à porter. Plus difficiles encore à faire valoir. On en verra bientôt les terribles conséquences. 2. Retour en Écosse. Nous voudrions passer sous silence tous les faits politiques, tout ce qui n'est pas enfin du domaine de la chronique galante, mais nous avons à craindre de jeter ainsi, pour beaucoup de nos lecteurs, une impénétrable obscurité. Les drames qui vont suivre sont incompréhensibles sans les liens qui les rattachent d'abord aux malheurs qui frappèrent Marie Stuart en France, puis aux intrigues de la reine d'Angleterre. Élisabeth, perverse et impitoyable, avait déjà ses émissaires à la cour de Catherine et était parvenue à éveiller la jalousie de cette dernière contre Marie, tandis qu'elle lui suscitait des ennemis en Écosse et y fomentait une révolution. Le fanatisme, qui devait plus tard servir à faire tomber la tête de Charles Stuart, était déjà l'instrument de la fille de Henri VIII. Les prédicateurs servaient d'éclaireurs aux armées anglaises. Et un tas de braves Écossais, en croyant servir la cause de la vraie religion, servaient la politique anglaise et préparaient l'annexion de leur pays. Le réformateur biblique Jean Knox créait de telles difficultés à la régente que celle-ci dut implorer le secours de sa fille. Mais un malheur ne vient jamais seul. Deux coups funestes atteignaient en même temps Marie Stuart. Henri II, son protecteur, se faisait tuer dans un tournoi. Et François II mourait peu de temps après, la laissant à 18 ans veuve, sans enfant et sans appui. Marie se retira à Reims, près de son oncle, le cardinal de Lorraine. Ce fut là qu'Élisabeth la fit sommer de renoncer pour toujours au royaume d'Angleterre et d'Irlande. Elle répondit qu'elle n'avait jamais porté ces titres que par la volonté de Henri II, que son mari ne les avait pas sanctionnés et que, depuis la mort de ce dernier, elle avait fait effacer de ses écussons les armes d'Angleterre et d'Irlande, tandis qu'Élisabeth continuait à porter les armes de France et prenait le titre de reine de ce pays qui n'admet même pas de reine. Elle ajoutait qu'elle devait prendre la vie des grands de son royaume et terminait en demandant un sauf-conduit pour se rendre en Écosse. Élisabeth répondit par un refus. Si Marie n'eût écouté que son désir, elle fut restée en France, mais elle se rendit aux prières de sa mère. « Allons, dit-elle, j'ai bien échappé à Édouard, son frère, pour venir en France, je lui échapperai de même pour retourner en Écosse. « Laissez ici vos pierreries, lui conseillait le cardinal, qui était moins rassuré. « Quand j'expose ma personne, répondit-elle, craindrai-je pour mes bijoux ? » Elle se rendit secrètement à Calais et s'y embarqua le 15 août 1561. Comme elle prenait la mer, un bâtiment périt à sa vue. « Oh, quel augure pour mon voyage » soupira-t-elle. Par son ordre, son lit avait été préparé sur le tillac du vaisseau, ainsi que ceux de ses dames d'honneur, les quatre maris. On était parti la nuit. Le lendemain, à son réveil, elle aperçut les côtes de France qui allaient disparaître. « Adieu, France » s'écria-t-elle avec des larmes. « Adieu, je ne vous reverrai plus. » Puis, quand la terre se fut évanouie à ses regards, elle écrivit la strophe suivante comme un legs de sa reconnaissance à sa patrie d'adoption. « Adieu, plaisant pays de France, ô ma patrie la plus chérie, qui a nourri ma jeune enfance. Adieu, France, adieu, mes beaux jours. La nef qui disjoint nos amours n'a eu de moi que la moitié. Une part te reste, elle est tienne. je la fis à ton amitié, pour que de l'autre il te souvienne. » Il serait difficile de trouver dans nos vieux poètes une strophe d'un style plus naturel et d'une émotion plus pénétrante. Tandis qu'elle écrivait des vers, des navires de guerre avaient quitté la Tamise pour tenter de s'emparer d'elle. Un traître avait dénoncé son départ à Élisabeth, et ce traître était près d'elle. C'était son frère naturel, le comte Murray. Les vaisseaux anglais furent signalés, et à un moment, elle put se croire perdue. Mais une brume épaisse s'éleva et la déroba à l'ennemi. Après une traversée de 5 jours, elle aborda à Leith. Cette ville avait déjà été attaquée par les troupes anglaises, favorisée par un autre traître, un second frère naturel, le prieur de Saint-André. Marie Stuart, dès son arrivée, fut frappée de l'impopularité de son nom et de l'opposition violente attisée contre elle. On avait appris à son peuple à la haïr. Le parti catholique et français était sans force et même incapable de protéger sa personne. Les têtes étaient à ce point montées contre la papiste, l'idolâtre, que, le lendemain même de son arrivée, la foule envahit la chapelle où elle était allée entendre la messe et voulut tuer son aumônier sous ses yeux. Elle quitta Leith pour faire à Édimbourg son entrée solennelle. La vieille capitale, à la mine refrognée, aux rues étroites et sombres, fit à la jeune reine l'accueil d'une vieille dévote à une jeune mondaine, et ce n'est pas trop dire. Sur le passage de Marie, chaque maison arborait sur une toile quelques sentences de l'Ancien Testament relatives au châtiment des infidèles, qui avaient abandonné le culte du vrai Dieu pour celui des idoles. Tout cela parce que, née catholique, elle était restée catholique. On la comparait à la reine Jézabel de la Bible, qui fut dévorée par des chiens. L'infortunée, à ses insultes, à ce fanatisme, opposait la patience et la douceur. Quel commencement d'obéissance, se disait-elle, et quelle en sera la suite? Jean Knox, le coryphée de ces enragés de religion, publiait alors son discours intitulé « Premier son de la trompette contre le gouvernement monstrueux des femmes ». Un cri, comme eût dit l'apôtre Jean Journet. Mais, plus heureux que ce dernier, l'apôtre Knox avait un succès immense. La jeune reine eut l'idée d'une entrevue avec lui et l'invita à venir au palais. Elle espérait lui faire entendre quelques paroles de tolérance et de conciliation. Mais cette invitation révolta le prophète. « Venez me trouver dans le temple où je prêche, lui fit-il répondre, si vous désirez vous convertir. » Depuis, la reine et le réformateur eurent plus d'une fois l'occasion de se rencontrer. Ce fut chaque fois pour Knox des occasions de triomphe. Il l'accablait de citations de la Bible et d'injures. Un jour, raconte-t-il, je la traitais avec tant de sévérité qu'elle fondit en larmes. Et il en était fier. Cependant, Marie essayait de se réconcilier avec Élisabeth. Les deux cousines correspondaient sur un ton amical. Les lettres de la reine d'Angleterre étaient confites en bonté. Elle appelait Marie sa chère cousine, son aimable et bonne sœur, et ne lui témoignait tant d'intérêt que pour endormir sa prudence. Au fond, elle détestait Marie Stuart. On lui avait vanté ses talents, son savoir, sa beauté, elle en était jalouse. Avide de flatterie, elle n'était jamais satisfaite si dans les éloges qu'on lui adressait, on ajoutait qu'elle avait surpassé la reine d'Écosse. Un jour, elle demanda brutalement à l'ambassadeur d'Écosse, Lord Melville, quelle était la plus belle, de la reine Élisabeth ou de la reine Marie. « Madame, répondit le diplomate, la reine Marie est la plus belle femme d'Écosse. » Et la reine Élisabeth est la plus belle femme de l'Angleterre. « Du moins, repartit Élisabeth, votre reine n'est pas aussi grande que moi. »« Elle est un peu plus grande, » dit Lord Melville. « Elle est donc beaucoup trop, » conclut Élisabeth, avec aigreur. Si Marie Stuart eût été laide, son ennemi eût déployé contre elle moins d'acharnement. Marie ne se doutait guère de pareils sentiments. Dans sa naïveté, elle espérait plaire à sa dangereuse cousine. Et, lorsque plus tard son ambassadeur lui eut rapporté ses conversations et dépeint le caractère et les véritables sentiments d'Élisabeth, elle en pleura comme si elle avait appris la perte d'une amie. En disant adieu au plaisant pays de France, elle avait dit adieu à tout plaisir. Au palais d'Édimbourg, une danse, une chanson mondaine étaient autant de scandales pour ses sujets devenus des saints. L'effervescence de l'époque avait pour but la sainteté. Les héros populaires étaient les personnages des légendes juives. La Saint-Barthélemy de Catherine de Médicis devait bientôt donner la réplique du fanatisme catholique endormi au fanatisme du protestantisme naissant. À cette époque, où l'intérêt politique et les intérêts personnels soufflaient avec tant d'ardeur sur les charbons du fanatisme religieux, en quelle triste situation se trouvaient les esprits sincères et vraiment libéraux. Isolés, suspects, à peine pouvaient-ils se soustraire à la persécution. Leurs moindres actions leur étaient imputées à crime. Et si telle était la situation des plus sages et des plus forts, quelle pouvait être celle d'une veuve de 18 ans, telle que Marie Stuart? Le sans-façon, l'allure libre, le ton familier dont elle avait pris l'habitude au Louvre et Fontainebleau étaient autant d'indécence dans sa capitale puritaine. C'est ce qu'indique, sans l'expliquer, M. Meynet. Malheureusement, dit-il, pour l'aimable et légère Marie Stuart, les familiarités excessives l'exposèrent alors à des entreprises indiscrètes. La trop grande liberté de la femme fit oublier le respect dû à la reine. Un capitaine, Hepburn, osa se comporter avec une brutale indélicatesse envers elle et n'échappa au châtiment que par la fuite. Et l'indignation de Marie contre ce soudard n'arrêta point d'autres soldats fascinés par sa beauté et encouragés par son isolement. 3. Un petit-neveu du chevalier Bayard. Un gentilhomme du Dauphiné, nommé Châtelard, et petit-neveu par sa mère de l'illustre chevalier sans peur et sans reproche, avait suivi M. de Deauville à la cour d'Écosse. Ce gentilhomme s'était épris de la jeune reine avec toute la fougue d'un tempérament méridional et d'une imagination ardente. Il lui avait adressé des vers auxquels Marie Stuart avait eu l'imprudence de répondre par d'autres. Redoutant sa passion, se craignant soi-même, il était rentré en France. Là, obligé de prendre parti dans les querelles religieuses, il s'était dérobé et de nouveau était parti pour l'Écosse. Marie lui avait fait le plus gracieux accueil sans se douter de l'état de son cœur, et la passion du malheureux Châtelard s'en exalta au dernier point. Brantôme, qui le connut, nous le dépeint sous les rapports les plus favorables. Il rappelle sa parenté avec Bayard et ajoute qu'il lui ressemblait de taille. Car il l'avait moyenne, très belle et maigreline, ainsi qu'on disait que M. de Bayard l'avait. Il était gentilhomme très accompli, et quant à l'âme, il l'avait aussi très belle. Il avait rapidement conquis la confiance et les sympathies de la reine, qui voyait en lui un ami éclairé et dévoué. Elle le consultait en tout et le recevait dans son cabinet de travail, seul et à toute heure de la journée, mais avec cette franchise, cet abandon dépourvu de coquetterie qui le forçait à taire son amour et ne lui permettait de parler dans ses tête-à-tête dangereux que de son dévouement et de son amitié. Il espérait se faire comprendre par l'expression exagérée de cette amitié et put croire qu'il était deviné et que Marie avait su lire dans ses yeux. Tout un hiver s'écoula ainsi dans cette intimité. Il ne quittait plus la reine, il prenait part aux conseils tenus par sa noblesse, il l'accompagnait dans ses promenades. On rapporte que, quelquefois, Marie s'appuyait familièrement sur l'épaule de Châtelard. Il finit par se croire secrètement aimé. « C'est à moi, se dit-il, d'aller au-devant d'un aveu qui ne saurait tomber d'une bouche royale. L'honneur la force à garder le silence, à moi d'oser. » Et un soir, le brave gentilhomme, décidé à tout entreprendre, pénétra dans l'appartement de la reine et se cacha sous son lit. Comment était disposé ce lit? Était-il facile de se cacher dessous? Voilà des points importants qu'un historien sérieux dédaignera toujours d'éclaircir. Et cependant, tout est là. Marie n'entrait jamais seule dans sa chambre à coucher. Ses femmes l'accompagnaient pour sa toilette. Est-ce une de ces femmes qui découvrit Châtelard sous le lit? Est-ce Marie qui l'aperçut? Découvert par une femme, il fallait bien que Marie le traitât avec sévérité. Quoi qu'il en soit, le malheureux Châtelard fut obligé de se traîner de dessous le lit aux pieds de Marie Stuart, courroucée. Il aurait pu imaginer une fable, mais il était trop fier. « Madame, pardonnez à la folie d'un excessif amour, » dit-il. « La femme pardonne, » répondit Marie, « mais la reine doit punir votre déloyauté. Dès ce jour, vous ne faites plus partie de ma maison et vous devez quitter le palais Édimbourg. » Châtelard devait s'attendre à plus de sévérité. Aussi, une fois dehors, il interpréta dans un sens favorable à son orgueil et à sa passion l'émotion de Marie et sa clémence. Loin donc de se décourager, il s'enhardit. Quelques jours plus tard, Marie Stuart étant partie pour le comté de Fife, il la suivit secrètement et renouvela son audacieuse tentative. Marie venait de congédier ses femmes et allait se coucher, mais auparavant, elle regarda sous son lit. À la vue d'un homme, elle cria, appela au secours. On accourut de toutes parts. Chastelat sortait de sa cachette. Au moment où Meuret entrait, l'épée à la main. « Tuez-le !» lui criait-on. Mais Meuret, plus calme, remit le malheureux aux gardes qui l'entraînèrent dans un cachot du palais. Marie, cette fois, avait été sans pitié. On dit même qu'elle avait crié à Meuret de le tuer. Mais Meuret croyait peu aux amoureux, et en sa qualité de traître, ne vit dans ce jeune et cervelé qu'un ambitieux ou un conspirateur. Il voulut éclaircir ce mystère. Chastelard fut donc interrogé et jugé. Cependant, son procès ne traîna point en longueur, et 2 jours après, il fut condamné à avoir la tête tranchée. Marie Stuart aurait dû lui faire grâce de la vie et le renvoyer en France. Mais sans doute, ses conseillers exigèrent un exemple. Chastelard fut donc envoyé à l'échafaud. Il marcha au supplice avec courage, en récitant l'épître à la mort de son ami Ronsard. Le désir n'est rien que martyr, content ne vit le désireux, et l'homme mort est bien heureux, heureux qui plus rien ne désire. Il n'édifia par sa piété ni catholique ni protestant. C'était un païen qui n'avait jamais pratiqué d'autre culte que celui de l'amour et des muses. En arrivant sur l'échafaud, se doutant que la reine pouvait se tenir cachée dans une maison voisine, il se tourna vers cette maison. « Adieu, la plus belle et la plus cruelle princesse du monde » cria-t-il d'une voix forte. Et puis, fort constamment, tendant le col à l'exécuteur, se laissa défaire fort aisément, dit la chronique. Cette aventure tragique fit, comme on pense, un bruit énorme et qui nuisit plus à la reine qu'il ne lui profita. On ne manqua point de dire, et avec quelque raison, que Chastelard avait été victime des imprudentes familiarités de la reine. D'autre part, la noblesse, le parlement, exposèrent à Marie Stuart combien un mariage était nécessaire. Elle se déclara prête à accéder à leurs vœux, et de nouvelles négociations s'ouvrirent avec les cours étrangères. Tous les souverains y prirent part, les uns avec désintéressement, comme les rois de Suède et de Danemark, les autres dans un intérêt politique, tels que Ferdinand d'Allemagne, Philippe II, Catherine de Médicis et Élisabeth. Cette dernière était secrètement opposée à toute conclusion, mais elle combattit avec un acharnement tout particulier la demande faite par Philippe II pour son fils, Don Carlos. L'ambition espagnole était la terreur du continent. Marie Stuart vit se tourner contre elle non seulement le parti protestant, mais les États catholiques eux-mêmes. Elle dut renoncer à Don Carlos. Enfin, les négociations s'étant prolongées pendant 4 ans, sans amener aucune solution, elle déclara choisir pour époux un simple gentilhomme, Henri Darnley. L'étonnement fut immense. Tout d'abord, en France, on considéra ce choix comme une mésalliance, mais c'était une erreur. Henri Darnley, jeune homme de 19 ans, était fils du comte de Lennox, du sang des Stuart, et par sa mère, arrière-petit-fils d'Henri VII. Il était donc cousin de Marie et pouvait, comme elle, aspirer à la couronne d'Angleterre. Un mariage confondait les droits des 2 branches. Ajoutons qu'il était catholique. Charles IX, mieux instruit, approuva le choix de Marie. En même temps, Élisabeth déclarait la guerre à l'Écosse. Ainsi s'ouvrit pour Marie Stuart la période des aventures romanesques et des drames sanglants. 4. Henri Darnley. Une des causes des malheurs de Marie Stuart se trouve ainsi dans l'abandon où la laissa la cour de France et le triste entourage que lui imposait la fatalité. On voit auprès d'elle des imprudents comme Chastelard, de ces aventuriers italiens que l'on rencontre partout à cette époque et longtemps après encore. Puis ces bâtards jaloux, avides, toujours prêts à la trahison, tels que le prieur de Saint-André et le comte de Meuret. Ce dernier n'était, auprès de Marie Stuart, qu'un espion d'Élisabeth. Lorsque sa sœur lui fit part de son dessein d'épouser Darnley, « Il est bien tard, lui répondit-il, pour faire un mariage d'inclination. Veuve à 26 ans, vous devriez ne penser qu'à une alliance politique. Darnley est très gracieux gentilhomme, de belle mine, d'élégante tournure, mais c'est un enfant de 19 ans, inconnu, sans autre famille que celle où il aspire à entrer, et ne vous apporte ni argent, ni soldats, ni alliance. Où est son parti en Écosse? Je ne lui vois que des ennemis. Catholique comme Don Carlos, il n'a pas comme celui-ci l'appui du plus puissant monarque du monde. Il a comme lui la haine d'Élisabeth. Car ne vous y trompez pas, Marie, votre mariage est une déclaration de guerre à l'Angleterre. » Je ne puis me régler constamment sur la volonté d'Élisabeth, et je suis résolu à prendre les armes, si l'on m'y oblige. Vous jouez votre couronne et votre vie, peut-être, répliqua Murray. J'ai pour moi le bon droit. Dieu protège des causes justes. Il vous vaudrait mieux, je crois, une bonne armée, ou à défaut de la force, quelque homme habile, qui sût apaiser la colère de votre cousine et détourner ses coups. Ma confiance est acquise à Lord Melville. Lord Melville n'a jamais été agréable à Élisabeth, et il ne restera pas une heure à Londres après y avoir annoncé votre mariage. Il vous faudrait en Angleterre quelqu'un qui ne fût pas trop ouvertement porté pour Lord Darnley. Vous, peut-être, fit Marie. Moi, s'il plaît à votre majesté. Mais lorsque toutes les relations diplomatiques seront rompues, à quel titre pourrez-vous séjourner à Londres? Au titre de serviteur disgracié. C'est un jeu périlleux, Murray, que vous joueriez là. Le roi Jacques, mon père, l'eût approuvé. Nous devons opposer la ruse à la violence. Marie hésita. Alors Murray mit la conversation sur un autre terrain, et, tout en paraissant s'intéresser à son salut, s'enquit des moyens qu'elle comptait employer pour sa défense. Il lui donna même quelques sages conseils. « Il ne faut pas, lui dit-il, vous enfermer dans Édimbourg, où une sédition fomentée par le parti anglais pourrait vous renverser et vous tenir prisonnière. Il faut marcher à cheval à la tête de vos troupes. Et si vous voulez donner quelque popularité à Darnley, il faut qu'il se porte au point le plus menacé de la frontière. » Marie fut séduite par l'apparente franchise de ses conseils. Elle les accepta et esquissa avec Murray un premier plan de campagne. « Voyez, lui dit alors le comte, si j'étais en Angleterre, les services que je pourrais vous rendre en prévenant Darnley des mouvements de l'ennemi. Partez donc, lui dit-elle, nous compterons sur vous. » Le jour même, Murray afficha hautement le mécontentement que lui causaient les projets de la reine et partit pour l'Angleterre. Arrivé à Londres, il obtint facilement audience d'Élisabeth. Il était, disait-il, banni par sa sœur qu'aveuglait une passion funeste, mais il était décidé à se venger du véritable auteur de sa disgrâce, et il en possédait tous les moyens. « Que prétendez-vous ? » demanda la reine. « M'emparer de Darnley, et avant 8 jours, l'amener à Londres. Darnley est-il donc si facile à prendre ? Je sais où le rencontrer, et si votre majesté consente à me confier un corps de cavalerie, je me charge de l'attirer là où il me plaira, et de l'enlever en un coup de main. » Murray avait déjà rendu tant de services secrets à Élisabeth que celle-ci consentit à lui donner des troupes, ou plutôt à lui laisser former un corps de partisans. Peu de temps après, les hostilités commençaient entre l'Angleterre et l'Écosse. Ainsi que Murray l'avait conseillé, Lord Darnley se portait à la frontière. Restait pour le traître à organiser le guet-apens. Il prépara une embuscade, fit cacher ses hommes et, suivi de quelques cavaliers, s'avança vers le camp de Darnley en parlementaire. Les avant-postes de celui-ci le firent avertir que le comte Murray venait à lui pour l'entretenir et l'attendait à peu de distance du camp. Le premier mouvement du jeune lord fut de monter à cheval et d'aller au rendez-vous. Mais quelques officiers moins confiants l'en dissuadèrent, et comme il insistait en disant qu'il connaissait mieux que personne les véritables sentiments du comte, ils lui proposèrent de le faire suivre de près par des cavaliers d'élite, capables de le soutenir au premier danger. Bien leur en prit. À peine Darnley se fut-il éloigné de son camp et avancé dans la campagne où tombaient les premières ombres du soir, Murray, qui n'apercevait autour de lui qu'une faible escorte, piqua des deux en avant et leva son épée en s'écriant « Il est à nous !» Aussitôt, des bosquets voisins, ces gens s'élancèrent pour envelopper les Écossais. Mais ceux-ci étaient sur leur garde, leur renfort accoururent, et le combat d'embuscade prit bientôt les proportions d'une véritable bataille. Murray, battu, fut poursuivi jusque sur le territoire anglais. De retour à Londres, il y reçut un accueil assez humiliant. Élisabeth feignit la surprise et la colère à la nouvelle de son entreprise, et le désavoua avec mépris en présence des ambassadeurs de France et d'Espagne. Le reste de la campagne fut une série de succès pour Marie Stuart, qui les chargeait, elle-même, à cheval, à la tête de ses troupes. Le pays se trouva pacifié, et Marie jouit d'une puissance qu'elle n'aurait pu prévoir à son arrivée de France. Le 29 juillet 1565, la reine victorieuse conduisit à l'hôtel Henri Darnley et lui décerna le titre de roi. Cependant, La lune de miel ne fut pas de longue durée. 5. David Riccio. Ce joli roi de 19 ans, ébloui par sa fortune, ne tarda point à se montrer ambitieux et exigeant. Entouré de flatteurs, au nombre desquels se trouvaient des agents anglais, il se laissa persuader qu'il devait, de prince époux, devenir prince régnant. Tout en se livrant avec excès au plaisir de la table et de la chasse, il prétendit exercer une influence politique. Marie s'en alarma d'abord, puis s'en irrita. Il s'en prit de la résistance qu'il rencontrait à un étranger nommé David Riccio. Celui-ci, piémontais d'origine, était venu en Écosse à la suite du comte de Moreto, ambassadeur de Savoie, en 1562. Il avait alors 28 ans. Habile musicien, il fut remarqué de la reine, qui aimait la musique, avec passion. Le comte de Moreto étant parti, elle le prit à son service en qualité de valet de chambre et l'employa dans les concerts de la cour. Il jouait du violon en faisant sa partie comme basse-taille. La reine, nous l'avons dit, était assez familière. Elle ne dédaignait point de s'entretenir avec ses serviteurs. Elle reconnut ainsi chez Riccio un esprit cultivé, un jugement sain, et entre autres connaissances, celle des langues étrangères. Elle le nomma son secrétaire pour la correspondance extérieure en 1564. David Riccio se montra digne de la bonne opinion de la reine. Il s'acquitta avec un talent remarqué des cours étrangères de ses délicates et importantes fonctions. Ses vues politiques, conformes à celles de Marie, tendaient à resserrer l'alliance de l'Écosse avec le parti catholique, le pape et Philippe II. Un an plus tard, la faveur dont il jouissait était telle qu'il avait été chargé de toutes les négociations relatives au mariage de la reine. Il croyait donc s'être fait un allié d'Henri Darnley quand celui-ci, mal conseillé, vit dans le ministre étranger un obstacle, et même un rival. Cette lutte, sourde d'abord, éclata bientôt lorsque Marie, froissée dans la délicatesse de ses goûts par les habitudes grossières de son jeune époux, lui marqua ses répugnances et sa réprobation. Si Marie lui montrait de la froideur, c'était selon lui à cause de Riccio. Si elle l'écartait des affaires publiques, il n'en trouvait pas la raison dans son inexpérience et son ivrognerie. Puis Riccio ne la quitta pas, et souvent la reine le retenait près d'elle, en sa présence, une partie de la nuit. Il se brouilla mortellement avec l'Italien et fit entendre à ses amis qu'il était décidé à s'en défaire. Morton, Ruthwen, Lindsay, Douglas, amis du comte Murray, entrèrent dans le complot. On rédigea une convention par laquelle on s'engageait à se prêter un appui mutuel pour mettre à mort David Riccio, emprisonner la reine et donner le pouvoir à Henri Darnley, cela 6 mois après le mariage. Naturellement, la cour d'Angleterre en fut avertie et approuva, sauf à désavouer plus tard s'il le fallait. Une copie de la convention fut même remise à Lord Cecil. Cependant, ni la reine, ni David Riccio ne se doutaient d'aucun danger. David avait bien été prévenu par un astrologue, nommé Damio, de se défier d'un bâtard. Mais il avait cru qu'il s'agissait de George Douglas, fils naturel du comte d'Angus. Il avait oublié Murray. Un soir, le samedi 9 mai 1566, au château d'Holyrood, la reine avait fait servir le souper dans une pièce attenante à sa chambre à coucher, un cabinet de 12 pieds environ. Elle avait réuni à sa table David Riccio, la sœur de celui-ci, le gouverneur d'Holyrood et Lady Argyll. Il était 8 heures du soir. Ce fut le moment choisi par les conjurés. Henri Darnley occupait un appartement situé au-dessous de celui de la reine. Il y attendit ses complices. Morton, Ruthwen, Lindsay entrèrent au château avec 200 hommes, firent garder les issues par Douglas, André Carr, Patrick Bellenden, puis se rendirent chez Darnley. Celui-ci les attendait et s'offrit à pénétrer le premier chez la reine. Un escalier dérobé communiquait avec le cabinet de Marie. Il monta chez la reine, entra, et sans mot dire, alla se placer derrière elle. Celle-ci se tourna vers lui et ils s'embrassèrent. Un instant après apparut Ruthwen. Couvert de son armure, pâle d'une maladie récente, les regards enfiévrés, il fit une apparition menaçante. Puis derrière lui, Douglas, Patrick, armés de dagues et de pistolets. Marie, stupéfaite, soupçonna le dessein de quelque violence. « Que signifie cet appareil, milord » demanda-t-elle. « Qui vous a permis, Ruthwen, de pénétrer ainsi chez moi ?»« C'est ce David, répondit Roswen en indiquant Riccio, ce David qui est là dans votre chambre privée, où il a été trop longtemps. Qu'il plaise à votre majesté de l'éloigner. Quelle offense a-t-il donc commise ? Dit la reine. Il a fait la plus grande, la plus détestable offense à l'honneur de votre majesté, au roi votre époux, à la noblesse et au commun peuple. Si l'on avait quelque chose à reprocher à David Riccio, répondit Marie Stuart, nous le traduirions devant le Parlement. Votre accusation est hors de propos. Retirez-vous donc, Lord Roswen, retirez-vous, sous peine de trahison. Mais Roswen, sans l'entendre, emporté par la haine, s'était approché de David pour le saisir. David, épouvanté, se levait et se précipitait vers la reine. « Justice, madame, je suis mort, justice » criait-il, « sauvez-moi la vie !» Dans sa précipitation et la poursuite dont il fut l'objet, la table fut renversée sur la reine, et Marie était enceinte de 7 mois. Riccio avait saisi les plis de sa robe et s'y tenait cramponné. Les dagues et les pistolets des assassins l'entouraient et menaçaient sa royale protectrice elle-même. Darnley détacha les mains du malheureux Italien et le livra au lord qui l'entraînèrent. « Grâce !» criait la reine. « Épargnez mon serviteur ! Pitié !»« Ah, Darnley !» s'écriait David. « Ne vous ai-je pas bien servi pour votre mariage ?» La reine voulait s'élancer à son secours. Darnley la prit dans ses bras et la retint. Elle était seule. Ses convives avaient fui tout d'abord et jeté l'effroi parmi ses serviteurs qui se tenaient dans les pièces voisines. Plusieurs, entre autres Boswell, se sauvèrent à l'aide de cordes par les fenêtres. « Ne craignez rien, madame, » répétait Darnley à Marie, « il ne lui sera point fait de mal. » Tandis qu'on entraînait le pauvre et tremblant Italien du cabinet dans la chambre à coucher et de là dans la salle de parade. Là se tenaient la plupart des conjurés. Ils y attendaient leur victime. « Enfermons-le, » disait Morton, « nous le pendrons demain. » Mais George Douglas, plus impatient, le frappa dans l'escalier avec le poignard du roi, sur lequel il avait mis la main. « Voilà le coup royal » s'écria-t-il. Comme toujours, le premier coup porté décida tout le monde. Ce fut à qui se précipiterait à coups de dague sur le malheureux Riccio. Il tomba, percé de 56 coups. Son corps fut jeté par la fenêtre et déposé chez le portier du château. En apprenant ces horribles détails, la douleur et l'indignation de la reine firent explosion. « C'est vous, Darnley, qui l'avez livré, vous qui avez assassiné ce serviteur dévoué. Ah, traître, fils de traître, deviez-vous infliger cette honte à la reine qui, d'une humble condition, vous éleva jusqu'au trône ?»« Vous l'avez voulu, » répondit Darnley. « Pourquoi me fuyez-vous, si ce n'est pour lui ? Cet homme était le roi, c'est lui le traître, traître à son roi, traître à votre mari, car vous m'avez trompé pour lui. » Et vous avez été plus souvent à lui qu'à moi. Voilà pourquoi j'ai consenti à sa mort. Votre honneur et le mien l'exigeaient. Milord, répliqua Marie, vous êtes l'auteur de l'offense qui m'a été faite. Je ne resterai plus votre femme. Je ne serai contente que le jour où votre cœur sera aussi désolé que le mien l'est aujourd'hui. Comme elle disait, Roswen rentra livide, exténué, prêt à défaillir. Un verre de vin, Darnley, dit-il. Darnley lui versa à boire. Et Roswen, recouvrant ses forces, s'adressa à Marie. « La reine demande, dit-il d'une voix rude, pourquoi nous avons mis à mort ce David. C'est parce qu'il était une honte pour elle, un fléau pour son royaume. C'est parce qu'il la poussait à tyranniser sa noblesse, à exiler les lords fugitifs, à entretenir des relations avec les gouvernements étrangers pour rétablir l'ancienne religion et à admettre dans ses conseils des hommes tels que Boswell et Huntley. » Marie dévorait ses larmes. « Ce sang, répondit-elle d'une voix tremblante, ce sang coûtera cher à quelques-uns d'entre vous. »« À Dieu ne plaise, répliqua Roswen, car plus votre grâce se montrera offensée, plus le monde sera sévère dans ses jugements. »« Écoutez, fit la reine, entendez-vous, Édimbourg se réveille et se lève, le tocsin sonne, on va me délivrer des meurtriers. » En effet, le bruit du meurtre s'était répandu dans Édimbourg, le prévôt avait fait sonner le tocsin. Les bourgeois en armes entouraient le château. Mais Morton et les autres leur répondaient que la reine se portait bien, qu'il ne lui était arrivé rien de fâcheux, qu'on avait seulement mis à mort l'Italien qui conspirait avec Philippe II et le pape. Les bourgeois se retirèrent. La reine demeura captive dans le cabinet, gardée à vue, séparée même de ses femmes. Réduite à l'impuissance, elle cessa de menacer et de se plaindre. Elle pleura quelque temps en silence. Puis, réfléchit à la conduite qu'elle devait tenir, et la prudence lui conseilla de dissimuler sa haine et de feindre un découragement profond. Le lendemain, Henri Darnley prononça la dissolution du Parlement et l'exil de ses membres, et rappela en Écosse Murray et ses partisans. Ceux-ci n'avaient pas attendu cet ordre. Ils étaient déjà à Édimbourg. Murray se fit annoncer chez la reine. Elle feignit un mouvement de joie à cette visite. Elle se leva et se jeta dans ses bras en présence de Darnley. « Ah, mon frère ! » s'écria-t-elle. « Si vous aviez été ici, vous n'auriez pas souffert qu'on me traitât si cruellement. » Murray en parut attendri. Il lui parla avec affection et montra à Darnley une froideur qui le déconcerta. Le trait de Marie était de la politique féminine et de la meilleure. Darnley avait recherché contre elle l'alliance de son ennemi de la veille. Elle l'en détachait. Encore un effort et elle allait se dégager. Elle se tourna vers son mari qui déjà s'était secrètement laissé attendrir par le spectacle de sa douleur. « Pourquoi, lui dit-elle d'une voix douce, gardez cette attitude hostile à mon égard. Votre haine n'est-elle pas satisfaite? Ne craignez-vous point de donner à croire que vous avez voulu frapper votre reine dans son serviteur? Vous me gardez à vue dans ce cabinet? Vous vous faites le geôlier de votre épouse? » « Je ne suis pas plus libre que vous, répondit Darnley. Les lords, qui redoutent votre vengeance, m'obligent à veiller sur vous. Placé entre vous et eux, je me trouve prisonnier sur parole. » Quels sont donc vos projets, Henri? Et ne prévoyez-vous pas qu'il faudra un jour en venir à une conciliation? Savez-vous que devant le peuple et devant Dieu, vous répondez de ma vie? Comment n'avez-vous pas craint de me tuer, dans la situation où je suis, par ces scènes d'outrages et de violences? Prenez ma main, le sentez-vous, j'ai la fièvre. Vous allez donc vous asseoir à mon chevet et me garder à vue? Mais si la mort vient délivrer la reine, votre prisonnière, ah, vous ne m'avez jamais aimée. « Madame, s'écria Darnley, attendri, c'est l'amour que j'avais pour vous qui m'a poussé à cette extrémité. Ne pleurez pas, Marie, vos amis ont fui, un seul homme reste près de vous, et ce n'est pas un geôlier, c'est votre mari, votre ami, votre premier serviteur. » « Eh bien, si vous n'êtes pas un geôlier, laissez donc entrer près de moi mes quatre maris, qu'elles m'aident à me délasser des fatigues de cette nuit. » « Je vais les demander, dit Darnley. » Les lords, sur sa prière, consentirent à rendre à Marie ses femmes et sa chambre à coucher, mais ils interdirent à toute femme de sortir du château. Marie reprit alors la tâche qu'elle s'était donnée de gagner Darnley, de l'amener à abandonner ses projets et de consentir à la faire évader et à la suivre. Le jeune roi, vain et faible, incapable de dominer et déjà embarrassé du rôle qu'il s'était donné, se laissa persuader et le lundi, il se rendit près des conjurés pour demander la liberté de la reine. « La reine est malade, leur dit-il. Elle est menacée d'un avortement si elle ne change pas d'air. La douleur l'a beaucoup affaiblie. Son ressentiment s'est abattu. Elle n'aspire qu'au repos. Elle me charge de vous dire qu'elle est disposée à pardonner aux meurtriers de David et à signer les actes nécessaires à leur sûreté. Veillez donc vous rendre près d'elle. Elle vous confirmera de vive voix ce que je viens de vous dire. » Plusieurs des conjurés, Roswen, entre autres, ne se montrèrent pas convaincus de la sincérité de Marie. « On ne change pas ainsi en si peu de temps, » disait-il. Mais le plus grand nombre inclina à une réconciliation. Ils dressèrent un acte qui devait pourvoir à leur sécurité et le remirent à Darnley. « La reine le signera, » dit celui-ci. « Cependant, ne trouvez-vous pas que, pour donner à cet acte plus de valeur, il est bon que la reine ne paraisse être placée sous aucune pression et jouisse d'une apparente liberté? Laissez-la donc sous ma garde seule, je réponds de tout. » Les lords y consentirent, ils quittèrent Holyrood avec leurs troupes, mais non sans inquiétude. Le soir même, Marie et Darnley quittèrent à leur tour le château d'Édimbourg pour celui de Dunbar. Elle eut la force d'accomplir ce voyage à cheval. Arrivée à Dunbar, elle respira. La naufragée avait gagné la terre. Sans perdre de temps, elle convoqua en armes la noblesse fidèle, mais elle eut assez d'empire sur elle-même pour garder le masque pendant 3 jours et faire attendre Lord Semple, député des conjurés, qui réclamait la signature promise. Enfin, les casques et les lances brillèrent à l'horizon. C'était Boswell, Dattol, Huntley, qui arrivaient avec des troupes. C'était Murray et d'Argyll, avec qui elle s'était réconciliée pour mieux diviser ses ennemis. Elle releva la tête, et Lord Semple n'eut que le temps de galoper à Édimbourg, avertir ses amis de la vengeance prochaine. Dès lors, Marie déploya une ardeur implacable contre les meurtriers et leurs complices. Elle les fit citer à comparaître devant la justice comme coupable de meurtre et de haute trahison, puis marcha sur Édimbourg. Elle n'y rencontra aucune résistance. Les conjurés fuyaient déjà vers la frontière. Elle fit faire à David Riccio de pompeuses funérailles et prit pour secrétaire particulier son frère, Joseph Riccio. Darnley fut obligé de désavouer le meurtre par une déclaration publique. Dans cette déclaration, il s'élevait contre les bruits calomnieux par lesquels on osait l'associer au meurtre cruel commis en la présence de la reine et à la détention criminelle de la très noble personne de Sa Majesté. Sa grâce, pour éloigner la mauvaise opinion que les bons sujets pouvaient être induits à concevoir à la suite de ces faux rapports et de ces séditieuses rumeurs, a déclaré devant Sa Majesté la Reine et devant les lords du Conseil privé, sur son honneur et fidélité et parole de prince, qu'il n'a jamais rien su de la perfide trahison dont il est injurieusement accusé, ne l'a jamais conseillé, commandé, ni approuvé. C'était assez lâche. Il descendit plus bas encore. Pour reconquérir les bonnes grâces de la reine, il se déshonora tout à fait en dénonçant quelques complices et en achevant de les perdre. La réplique des conjurés ne se fit pas attendre. Cette réponse fut foudroyante. Jusqu'alors, aucune instruction n'ayant été faite contre les meurtriers, Marie avait ignoré le véritable but des conjurés. Elle croyait que Darnley n'avait agi que par jalousie. Les fugitifs lui envoyèrent copie de la convention rédigée par Morton et signée par Darnley. L'article 2 de cette convention portait que Darnley prendrait en main le pouvoir, ce que l'on appelle la couronne matrimoniale, en s'engageant à compléter l'établissement du protestantisme et enfermer la reine au château de Stirling. À cette révélation, Marie Stuart prit Darnley en aversion et en dégoût. Elle ne le lui cacha point. Elle avait pardonné à la jalousie, à une passion qui pouvait la flatter. Mais tant d'ambition chez un prince incapable, tant de cruauté alliée à tant de faiblesse, soulevèrent son mépris. Elle eut honte de l'époux qu'elle s'était choisi. Non seulement elle l'écarta plus que jamais des affaires, mais elle refusa de le recevoir. Henri Darnley, mis à l'index, vécut seul, comme un paria. C'était un crime de lui tenir compagnie. Cependant, Marie touchait au terme de sa grossesse. Le 19 juin, elle accoucha d'un enfant qui devait plus tard régner en Écosse sous le nom de Jacques VI, et sous celui de Jacques Ier en Angleterre. Élisabeth donnait un bal, elle dansait lorsqu'on lui apprit cet événement. Elle s'arrêta, interdite, pâle d'émotion. « Ah ! Dit-elle, la reine d'Écosse vient d'accoucher d'un fils, et je ne suis qu'un arbre stérile. » Néanmoins, elle accepta d'être la marraine du nouveau-né. Les cérémonies du baptême furent pour Darnley l'occasion d'humiliations nouvelles. Tous les représentants des cours étrangères y assistèrent. Une seule personne de la cour d'Écosse n'osa y assister. Ce fut le père, Henri Darnley. 6. Le comte de Bothwell. Marie Stuart, qui jusqu'ici nous est restée assez sympathique, va prendre à partir de cette époque un rôle équivoque d'abord, puis odieux. C'est de cette époque que date le funeste empire qu'exerça sur elle le comte de Bothwell. Bothwell, dit M. Mignet, était l'homme le plus entreprenant et le plus dangereux de l'Europe. James Hepburn, quatrième comte de Bothwell, était alors âgé de 33 ans. Il possédait de grands biens et était investi des charges les plus importantes. Il s'était récemment marié à Jeanne Gordon. C'était un homme d'une grande bravoure, d'une audace et d'une ambition sans limite comme sans scrupule, sans déguisement dans ses projets comme dans ses vices. Il aspira d'abord à se faire aimer de la reine, puis à l'épouser. Bien qu'il fût laid, il plut à Marie Stuart par son aspect martial, la résolution hardie de son caractère, un air de dévouement chevaleresque et des mœurs élégantes, empruntées au continent, sous lesquelles se cachaient les passions sauvages et emportées de son pays. Marie Stuart chercha d'abord en lui un serviteur fidèle, un ami utile, et trouva bientôt un amant et un maître. Note. Mignet, Histoire de Marie Stuart. Fin de note. Il la séduisit, puis la domina. Les progrès de sa faveur éclatèrent aux yeux de tout le monde pendant l'été de 1566. Il ne quittait plus la reine et rien ne se faisait plus que par ses ordres. Darnley se sentit menacé. Dans son inquiétude, il se tourna de nouveau vers le parti catholique. Il écrivit en secret au pape pour lui dénoncer la conduite de la reine qui, disait-il, était attiédie pour la religion. Le souvenir de Riccio le poursuivait, et dans Bothwell, il revoyait un homme plus entreprenant et plus redoutable encore que Ruthwen. Il songeait à fuir sur le continent et tenait un navire toujours prêt. Que ne réalisa-t-il ce dessein ? Un jour, son père étant venu le voir, il lui en fit confidence. Son père chercha à le dissuader et, n'y pouvant parvenir, alla supplier la reine de s'opposer à ce coup de tête. Marie assembla son conseil. À peine le conseil était-il réuni qu'à sa grande surprise apparut celui qui était l'objet de la délibération. « Et quoi ? » lui dit Marie. « Vous voulez, dit-on, quitter l'Écosse ?» Darnley, qui venait pour essayer d'une réconciliation, fut tout interdit à ce reproche. Il demeura confus et muet. « Votre père, poursuivit la reine, vient à l'instant de nous informer de votre dessein. Sans doute vous avez quelque grave motif pour prendre une détermination aussi extraordinaire. Est-ce moi, du moins, qui vous en ai fourni les raisons ?»« Du tout, madame, répondit Darnley. Avez-vous un sujet de plainte ?»« Aucun. Mon conseil et monsieur l'ambassadeur de France, ici présent, seront satisfaits d'avoir recueilli votre témoignage, et je déclare devant eux que je ne verrai votre départ qu'avec un profond regret. » Décidément, cette femme était très adroite, et le pauvre Darnley se retira honteux de sa déconvenue et plus encore du témoignage enregistré par le conseil. Rentré chez lui, il écrivit à la reine pour lui exposer ses griefs, mais c'était peine perdue. Quelques jours plus tard, Marie était à Jedburgh. On lui apprit que le comte de Boswell, dans une expédition contre les ravageurs de frontières, les Borderers, venait d'être grièvement blessé. Elle partit aussitôt, franchit à cheval la distance de 9 000 qui la séparait du château de l'Ermitage où était Boswell, en proie à des angoisses visibles. Après être restée 1 heure près du comte, elle repartit à cheval pour Jedburgh, et dans la fièvre où elle était, passa encore une partie de la nuit à lui écrire. Le lendemain, elle tomba malade. Elle éprouvait de fréquentes syncopes. Pendant plusieurs heures, elle fut à la mort. Nul n'en ignorait la cause, mais tout le monde fut effrayé des ravages de sa passion. La fièvre la reprit ensuite avec violence. Enfin, se croyant à la mort, elle demanda au lord qui l'entourait de prier pour elle, déclara qu'elle confiait son fils à la reine d'Angleterre et fit avertir son mari. Mais Boswell arriva avant Darnley. Sa présence rendit la vie à la reine. L'amour accomplit de ses miracles. Une amélioration subite frappa les observateurs qui l'entouraient. Lethington en prit note dans ses mémoires. « Ses sentiments étaient visibles, écrit-il, et son cœur succombait en pensant que le roi dut rester son mari sans qu'elle aperçût le moyen de se débarrasser de lui. L'antipathie qu'elle montra à Darnley, qui, à son tour, vint lui rendre une courte visite, faisait déjà naître autour d'elle de funestes pensées. Elle était souvent en proie à une mélancolie sombre, et comme si elle eût redouté l'avenir, elle répétait fréquemment « Je voudrais être morte ». Tout le monde guettait l'issue de cette crise, mais un homme, entre tous, l'étudiait avec la patience et la perspicacité d'un magistrat instructeur et d'un philosophe. C'était Lethington. Cet homme, d'une perversité égale à sa clairvoyance, songeait à faire tourner cette crise morale au profit de son ambition. Il voulait négocier le retour des proscrits, Roswen, Morton, Lindsay et autres, au prix d'un divorce et, s'il le fallait, d'un assassinat. Il s'en ouvrit à Boswell, qui sans doute y pensait depuis longtemps, et fit à son dessein l'accueil le plus favorable. Puis tous deux en parlèrent à Huntley, à Argyll et même à Murray. Les 5 amis tombèrent d'accord. Il ne restait plus qu'une personne à gagner, la reine. Ils se rendirent près d'elle. Lethington prit la parole et plaida le divorce en avocat de talent. Il exposa comment Darnley, par sa conduite dès les premiers mois de son mariage, était frappé d'indignité. Il avait compromis la reine et s'était si bien déshonoré qu'il n'avait même pu assister aux cérémonies du baptême. Il vivait retiré à Glasgow et un divorce de fait n'attendait plus que la sanction légale. Mais bien qu'il fût déjà condamné par l'opinion publique, il fallait éviter de paraître agir avec passion et au lieu de frapper soi-même Darnley, le laisser frapper par ses ennemis. Rappelez les anciens complices de Darnley, conclut Lethington, les Roswen, les Morton, les Lindsay. Ils se chargeront bien de trouver le moyen d'un divorce. » Marie Stuart y consentit, mais elle insista pour que le divorce fût légal et ne portât aucun préjudice aux droits de son fils. « Cependant, ajouta-t-elle, quel moyen de divorce pouvons-nous invoquer ? La consanguinité ? Nous avons eu la dispense du pape. L'adultère ? La trahison ? La trahison, en établissant ses préparatifs de départ pour le continent. Mais ces moyens sont-ils bien suffisants ? Et si notre demande venait à être repoussée, quelle partie devrais-je prendre ? Ma situation déjà si pénible deviendrait intolérable. Déjà mes forces succombent. Je n'aurai plus qu'à déposer la couronne et à me retirer en France. « Madame, répliqua Lexington, ne vous inquiétez de rien. Nous sommes ici les principaux de votre noblesse et du conseil de votre gouvernement, et nous trouverons bien le moyen de vous délivrer de lui sans aucun préjudice pour votre fils. Et quoique Lord Murray, ici présent, ne soit pas moins scrupuleux pour un protestant que votre grâce ne l'est pour une papiste, je suis sûr qu'il regardera à travers ses doigts, nous verra faire et ne dira rien. » L'insinuation était claire, et Marie Stuart dut la comprendre. Il ne s'agissait déjà plus de divorce. Elle secoua la tête avec découragement. « Non, dit-elle, il vaut mieux laisser les choses en l'état où elles sont et attendre que Dieu y porte remède. » Mais cela a été dit avec tant de mollesse. « Madame, insista Lexington, laissez-nous conduire l'affaire. Votre grâce n'en verra que du bien. » Ils se retirèrent sur cette parole vague. Le sort de Darnley était décidé.